Grande traversée, Woody Allen Stories. Troisième épisode, Les femmes, ce miroir. Une émission de Judith Pérignon réalisée par Gaëlle Gillon. Prise de son et mixage, Benjamin Thuot. Is that my ex-wife? Here, Tina? Mm-mm. My second ex-wife. She's writing a book about our marriage and the breakup. That's really tacky. It's really depressing, you know? She's gonna give all those details out, all my little idiosyncrasies and my quirks and mannerisms and not that I have anything to hide, because, you know, but there are a few disgusting little moments that I regret. Ladies and gentlemen, Woody Allen. Une femme très provocante s'approche de moi. Elle se met à me jauger des pieds à la tête. Je l'emmène alors avec moi dans ma chambre d'hôtel. Je ferme la porte. J'enlève mes lunettes. Ne faisant preuve à son égard d'aucune clémence, je déboutonne ma chemise. Elle déboutonne sa chemise. Je souris. Elle sourit. J'enlève ma chemise. She removes her shirt. Elle enlève sa chemise. And I wink. Je lui fais un clin d'œil. She winks. Elle me fait un clin d'œil. And I remove my pants. J'enlève mon pantalon. She removes her pants. Elle enlève son pantalon. I realize je réalise alors que je regarde dans une glace. Je ne souhaite pas rentrer dans les détails, mais je me suis retiré des morceaux de verre des jambes pendant 15 jours. Les femmes, sa sécurité, son insécurité, son sujet, son miroir. Ce miroir où rien ne va. Dès l'enfance, tandis que Sinatra déclenchait des crises d'hystérie féminine dans les salles, il comprit qu'il n'était pas le mieux armé pour séduire. Sa voix, ses cheveux roux, sa taille, tout l'excluait du regard et des fantasmes des filles. C'est le minimum pour un comique, selon l'historien Jean Douché, mémoire vivante du cinéma. Ne pas s'aimer. Vous ne pouvez pas faire un comique sans corps. C'est-à-dire, là, aussi, une des caractéristiques du tragique. C'est-à-dire qu'il y a un corps, et ce corps fait barrage dans la communication avec l'autre. Ce corps ne va pas, je dirais, avec le corps social. Ce que vous comprenez, les grands comiques, c'est fait là-dessus. C'est comme le clown, quoi. Le clown est triste. Et le comique, au fond, c'est quand même quelqu'un qui ne se sent pas réussi. Et dont la réussite est justement dans la mise en évidence de sa non-réussite. Ce sont dans la vie réelle, des gens qui ont quelques problèmes. Des problèmes d'adaptation et des problèmes d'obsession. Je vais maintenant faire une brève pause pour vous dire un mot rapide sur la contraception orale. J'ai en effet été personnellement impliqué il y a tout juste 2 semaines dans un parfait exemple de contraception orale. J'ai proposé à une fille de coucher avec moi et elle a dit non. Faire son numéro lui est venu bien avant de monter sur scène. Adolescent, il était fou amoureux de Birna Goldstein, qui ne l'était pas. Lorsqu'elle se cassa la jambe, il se prépara pour le grand jour du retrait du plâtre. Il lui offrit une de ces fausses unes qu'on pouvait faire imprimer sur Times Square. On enlève le plâtre de Goldstein, Dietrich défaille. Il passait alors beaucoup de temps avec sa cousine Rita. Elle avait dans sa chambre tous les posters des stars hollywoodiennes. Elle vénérait Bogart. Elle écoutait en gloussant la voix doucereuse du crooner Sinatra, ce Frankie qui régnait sur les jukebox et les années 40. Et lui, qui s'appelait encore Alan Königsberg, épongeait les rêves de sa cousine. Il admirait avec elle ce qu'il n'était pas. « Ce n'est pas la vraie vie, tu places la barre trop haut », lui dira Sandy à propos de Bogart dans « Tombe les filles et tais-toi ». You know who's not insecure? Bogart. But Ellen, that's not real life. I mean, you set too high a standard. Look, if you're going to identify, who am I going to pick? My rabbi? I mean, Bogart's a perfect image. Si je dois m'identifier à quelqu'un, qui veux-tu que je choisisse? Mon rabbin? Lui répliquera Alan, prénom originel de Woody. Il ne savait pas que Sinatra avait commencé comme lui, en petit maigrichon aux oreilles décollées, rêvant de franchir la rivière depuis l'ouest, le New Jersey, pour conquérir Manhattan. Il ne pouvait pas le savoir. Le succès efface tout. Il aveugle les foules et recolle les oreilles. Comme il ne pouvait pas savoir que cette voix-là, The Voice, comme on disait alors, allait courir le long de ses films, et même de sa vie. For when I hold you in my arms, I know that this is the beginning of the end. Vous vous rappelez votre première petite amie? My first girlfriend? Non, pas précisément. Quand j'étais jeune, je sortais avec les filles du lycée. Rien de sérieux. Nous étions dans l'adolescence. Faisiez-vous facilement des conquêtes? Non, ce n'était pas facile du tout. Même très difficile. Vous aviez un truc, c'était le baratin ou le rire? On n'a pas le choix. C'est ça ou les ligoter. Non, il n'y a pas de truc infaillible. Vous, ça marchait? Pas souvent. Et ça a commencé à marcher quand? Il y a 8 jours. Hi. Hi. Oh, hi. Hi. Have you learned a lot of things? Les femmes vous ont-elles beaucoup appris? I do like their presence. J'aime leur présence. Uplifting to me. Elle m'inspire. Je n'aime pas être en compagnie exclusivement masculine. Comment les raconter sans les confondre, ces films, sa vie, ces femmes? Tout est imbriqué, il l'a voulu. Longtemps, les femmes de l'écran étaient celles de sa vie, des actrices. On pense à Diane Keaton, à Mia Farrow. Aujourd'hui, vieil homme, il fait venir Scarlett Johansson, Penelope Cruz et Emma Stone. C'était quelque chose d'arriver au travail tous les matins avec Penelope Cruz et Scarlett Johansson. Deux des plus belles femmes du monde. Et les plus sexuelles. Elles ne sont pas juste belles. C'est comme si elles respiraient la sensualité. Elles sont très différentes toutes les deux. Scarlett est une petite poupée, elle est un peu ronde, elle est parfaite. Et Penelope, sa beauté est unique au monde. C'est une beauté exotique. Quand nous avons tourné la scène où elle s'embrasse, toute l'équipe du film était là. Javier Bardem a couru de sa loge pour voir ça. C'était fascinant de voir ces deux beautés parfaites s'embrasser. Mais pour elles, c'était juste le boulot. Rien d'érotique. Toujours, il a eu face à sa caméra, face à lui donc, des visages d'une grande beauté, qu'il éclaire et met en valeur. C'est la consigne, explique Darius Kanji, chef opérateur de ses derniers films. Il aime beaucoup les actrices, il aime beaucoup la présence féminine dans ses films et les personnages féminins. Mais certaines actrices plus que d'autres. Comme il était merveilleusement, avec Diane Keaton par exemple, c'était vraiment... ou avec Scarlett Johansson, ou avec Emma Stone, il a retrouvé ça aussi maintenant. Mais oui, il est particulièrement avec des actrices, avec les personnages féminins. Et il est très attaché à leur éclairage, très attaché à la façon d'éclairer les actrices, en particulier. Il est vraiment capable de refaire, de retourner des plans s'il sent que la lumière est pas juste ou s'ils ne sont pas assez mis en éclat avec la lumière. C'est souvent... il retourne rarement pour la lumière, mais il retourne... Parfois, il peut retourner pour les décors, pour le costume, ou pour la coiffure, pour le maquillage. Il retourne souvent pour le jeu des acteurs. Mais il est très attaché à ça, ou la façon dont on perçoit le personnage féminin dans ses films. C'est souvent la clé, la clé des scènes, la clé des histoires. On se souvient du long gros plan sur le visage fin de Charlotte Rampling dans Stardust Memories. Il faudrait le minuter. C'est long, aussi long que c'est beau, aussi long qu'elle est belle. C'est silencieux aussi. Un temps comme le cinéma ne s'en offre pas beaucoup. ce sont les yeux de Woody Allen sur la beauté des femmes et les instants forcément fugitifs mais sublimes qu'elles peuvent offrir. Dory est allongée par terre, lit les journaux. Il y a une musique de jazz comme ça, très belle, il fait beau. Il commence à raconter ce moment que pour lui illustre un moment parfait. C'est-à-dire d'être avec la femme qu'on aime, en sachant que c'est très fugitif, que ce moment-là ne va pas durer, mais elle est belle, elle est beau ce moment à cause de ça. Et donc on regarde Dory qui regarde, et avec Woody Allen, on regarde ses personnages, on regarde ses pages, rien ne se passe. Elle tourne un journal, elle regarde son journal, et d'un coup elle le regarde, et elle sourit. Ainsi, il a brouillé le miroir, sans avoir à le briser. Le cinéma, comme souvent, lui a donné un pouvoir que la vie seule ne lui aurait pas donné. Vous dites ça pour me faire rire. Oui, j'aime bien les grosses blagues. C'est une espèce de réflexe de défense. Il ne se couche pas souvent seul dans ses films. Il obtient toujours ce qu'il veut. On voit même sourire ses partenaires comblés sous les draps. Normal, c'est lui qui écrit les histoires. Oui, parce que j'écris les scénarios et dans le scénario, je peux faire exactement ce que je veux. Donc, je vais écrire moi en velours avec les femmes très, très jolies, très intéressantes et, si nécessaire, très grandes. Dans la première qu'il écrivit, mais sans la réaliser, What's New Pussycat, il poussa son personnage, l'installa dans le sillage du séducteur Peter O'Toole. Il était son contraire, mais il n'était jamais loin. Je sors de deux pleines semaines de scènes d'amour avec Romy Schneider et je suis couvert de bleu comme si j'avais joué avec un boxeur. Espérons que mon travail ne sera pas trop dilué ni charcuté, écrit-il alors depuis l'Angleterre à son attaché de presse, Richard O'Brien. Il sera charcuté, son scénario. Il avait bien tenté d'écrire une fin où il épousait Romy Schneider, mais l'actrice trouva que ce n'était pas crédible. Et c'est Peter O'Toole qu'elle épouse à la fin. Woody a échoué à détrôner le beau gosse. That was great. You've really developed yourself a little style. Mais il n'avait pas dit son dernier mot. Il allait faire ses films à lui. Il serait seul maître à bord. Alors, Alan séduit Linda, la femme de son meilleur ami, plus riche, plus beau que lui, dont tombent les filles et tais-toi. Si ça ne dure pas, c'est qu'il renonce à elle, et avec les mots de Bogart, laissant partir Ingrid Bergman dans Casablanca. Ensuite, Bogart, le souffleur, lui tire son chapeau et lui dit qu'il n'a plus besoin de ses services. Et Alan Allen, qui a pris confiance, dit « Je suis assez petit et assez laid pour me débrouiller tout seul ». Ike aussi perd Tracy dans Manhattan, mais c'est parce qu'il refuse de construire la vraie relation qu'elle lui réclame les larmes aux yeux. Woody Allen, qui écrit seul chez lui, parfois étendu sur son lit avec plein de petits papiers autour de lui, s'est parfois donné des faux airs de Don Juan malingre. Les femmes sont gentiment névrosées, mais pas plus que lui. Il est l'alternative spirituelle, drôle et généreuse à une virilité plus tapageuse. C'est sa parade, son hommage à la magie du cinéma, à ce qu'il transforme, change et rend possible. Ça marche. Devenu réalisateur, ce roux maigrichon a fait de l'effet à bien des femmes. François Sagan, ce film de Woody Allen, Manhattan, vous l'avez vu, j'imagine, un soir. Comment étiez-vous après? Vous étiez... J'étais enchantée, j'étais ravie. C'est un film très, très agréable. Bon, il a beaucoup de talent, il est drôle, puis il est intelligent et sensible. Mais en plus, c'est un film assez habile, c'est pas délibéré, mais... Il y a toutes les musiques qu'on aime, les vues de New York qu'on aime, la musique de Gershwin, ce côté un peu passéiste, avec des. Qui fait un peu de background, des corps musical et physique, le banc, c'est le petit banc, New York derrière, les arbres, etc. C'est des choses qu'on a déjà vues quand on découvrait l'Amérique, il y a 25 ans par les films. Il y a ce même New York, et en plus, il y a maintenant des gens qui ont des rapports tout à fait différents, des rapports tout à fait actuels, dans un décor. Tout le monde est content, je veux dire. Et ce personnage de Woody Allen, à la fois timide, entreprenant, hésitant, comment l'avez-vous trouvé? Comment vous le trouvez? En général, il est le même dans tous ses films. Bien, j'ai vu Intérieur et celui-ci. Ils sont très différents. Mais je le trouve tout à fait charmant. Je l'ai rencontré par hasard, Woody Allen. Enfin, pas par hasard, je voulais le voir à Paris au début du mois de mai, je crois. Et c'est un homme exquis. Enfin, on a envie de le protéger. Moi, c'est assez rare. Moi, j'ai plutôt envie que d'être protégé. Mais lui, il a... On a l'impression qu'il a besoin de vous, quoi. Oui, il a besoin d'entourage, il a besoin d'être protégé. Réconforté, rassuré, dorloté. Elle demeure, cette impression de fragilité, qui lui vient du corps, du miroir. Du regard des femmes aussi, qui l'aiment puis ne l'aiment plus, le plantent sur un trottoir, lui font des reproches, dessinent en creux un portrait de lui, comme dans Manhattan. Everybody in town is going to know all this. Details. Everybody, all my friends and. Listen, he was given this. Il était sujet à des crises de rage, de paranoïa de juifs de gauche, de chauvinisme mâle, de misanthropie pharisaïque et à des accès de désespoir nihiliste. Il se plaignait de la vie, mais sans y apporter de solution. Il aspirait à être un artiste, mais renâclait devant les sacrifices qu'il fallait faire. Quand il s'épanchait dans l'intimité, il parlait de la mort qu'il plaçait sur un piédestal tragique, alors qu'en fait, il n'avouait là que son narcissisme. Je suis venu pour t'étrangler. Je n'ai rien écrit de faux. Enfin, il y a de quoi bondir. Ton bouquin me fait passer pour un lire avec Oswald. C'est le constat de ce qu'a été notre mariage. Moi, je suis narcissique. Un regard fixé sur ton petit nombril. Et misanthrope et pharisaïque. Mais j'ai écrit sur toi de gentilles choses aussi. Par exemple, lesquelles? Par exemple, que tu pleures à Autant l'emporte le vent. Puisque c'est lui qui écrit, est-ce un autoportrait? Il a toujours répondu non. Je pense toujours que mes films sont absolument pas personnels. Pour moi, ils sont fiction, ils sont imaginatifs. Tout le monde me dit « Harry est absolument vous », mais exactement pas comme Madame Bovary. Harry, ce n'est pas moi. C'est en tout cas une exploration de lui-même. L'impasse amoureuse, les femmes, les psys dessinent dans ses films la galerie des glaces d'un candidat idéal au divan. Le psychanalyste Jacques Assoun, aujourd'hui disparu, voyait passer dans ses histoires les interrogations d'un homme sur sa condition. Bon, je ne sais rien de l'analyse de Woody Allen, comme vous pouvez l'imaginer, mais il est évident pour moi qu'il n'y a qu'une personne qui est un analyste qui est capable de comprendre aussi bien les avatars de la vie de couple, les avatars de la vie familiale, et qui, en fin de compte, a cette intelligence incroyable que peu de patients ou d'analysants ont, ou peu d'analystes ont, c'est-à-dire d'utiliser ce qui relève généralement de la sublimation entre guillemets, c'est-à-dire ces films, pour guérir, entre guillemets aussi, c'est-à-dire pour essayer tout au moins de régler un certain nombre de problèmes. Alors dans son cas, ce qu'il donne à paraître, parce que moi je me permettrai jamais de faire de la psychanalyse appliquée, mais ce qu'il donne à paraître, c'est-à-dire sa condition juive, sa condition d'époux, sa condition d'amant, et éventuellement sa condition de père et de fils. Donc, c'est-à-dire sa condition humaine, tout simplement. Et Woody Allen nous donne par petites touches chacun de ses films, et je dirais c'est un morceau de son histoire que nous pouvons supposer de son histoire, c'est-à-dire de l'histoire universelle d'un individu donné. Moi, ce qui me frappe d'ailleurs terriblement chez Woody Allen, c'est combien ces personnages, chacun d'entre nous peut s'identifier à ces personnages. Je pense en particulier à Radio Day, par exemple. C'est tout à fait ça, enfin, je veux dire. La vie de la famille. La vie de la famille, les deux familles, passer dans la cour d'à côté, écouter la radio, la famille qui n'a pas encore la radio, la famille qui est d'extrême gauche, bundiste ou communiste, l'autre famille, les querelles familiales, la guerre qui est proche, l'enfant qui est âgé de 4 ans, enfin, c'est très très amusant, en fait. Tout ça. Chacun d'entre nous l'a traversé. Chacun d'entre nous qui a fait partie de cette génération l'a traversé. Et justement, Woody Allen, pour moi, du coup, est un personnage universel. Radio Days, c'est l'enfance revisitée par le cinéma. Et Sinatra, le crooner, qui chante dans la scène où il découvre ébloui Manhattan. Il y a donc la rive où chante Sinatra et celle où grandit Woody Allen. Ma mère avait 7 sœurs, et pas une n'a eu un garçon. Elles ont toutes eu des filles. J'ai été entouré de femmes pendant toute mon enfance. Au commencement, plein de femmes. Elles étaient partout dans ces maisons d'enfance. Mères, tantes, cousines, femmes dures à la tâche, pressées, débordées, tendres aussi, pleines de reproches, de rêves inaboutis. un brouhaha féminin dont sa sœur, Letty Aronson, se souvient bien. Notre mère avait un frère et cinq sœurs. On a donc eu beaucoup de tantes dont une ou deux ne se sont jamais mariées et étaient donc encore plus présentes. Il n'y avait que nous deux. Comme moi, j'étais une fille, c'est vrai que Woody a grandi entouré de femmes. Les hommes, son père en particulier, étaient plus souples, plus joueurs, moins durs. Les femmes étaient les charpentes, rassurantes, envahissantes. Et sa mère eut droit au grand portrait de la mère juive. Je dirais que nos parents ont généralement été présentés de façon très caricaturale. Pas complètement extravagante, mais très exagérée. Quel était ce film à sketch déjà, où il a réalisé une histoire et où Coppola en a fait une autre ? Oh, New York Stories, right. Ah oui, New York Stories. Avec la mère et la tante. Bien là, oui, c'était plus typique. Mais dans les autres, c'était très exagéré. Ça me fait toujours beaucoup rire quand je vois quelque chose dans un film et que je sais exactement d'où il sort ça. Bonsoir, maman. Alors, on n'est pas en retard, si ? Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment ça va ? Oh, seigneur, t'as une tête d'enterrement. Oh, mais c'est ravissant. Merci. Elle est gaie, cette pièce, hein ? Lui, il la déteste. Mais comment ça ? Je la trouve très bien. Ah, il dit que ça fait trop juif. Bah, tu dis des bêtises. Et en plus, il s'appelle pas Sheldon Mills, c'est Milstein. Mais elle le sait, maman, elle le sait. Tais-toi, je lui parlais à elle. Tu es en train de perdre tes cheveux. Quand il était petit, il avait des cheveux roux, c'était magnifique, il en avait honte. Dans le quartier, on l'appelait rouquin, il détestait. Prends du pain et du beurre. Du reste, son père, paix à son âme, il était complètement chauve aussi. Mais je ne suis pas complètement chauve. Ça viendra. Vous faites quoi, Lisa ? Je suis dans une agence de pub, à mi-temps. Pour moi, c'est le job parfait parce que ça me donne le temps de m'occuper des enfants. Combien ? Trois. De son premier mariage. Mange ton dessert. Et bientôt dans le film, sa mère subitement disparaît. Il l'a emmenée à un spectacle de magie. Le grand magicien en turban l'a choisi pour disparaître et réapparaître dans la boîte. Il ferme la boîte, la transperce de ses poignards. Le fils jubile à chaque fois que la lame s'enfonce. Mais sa mère ne réapparaît pas une fois le tour fini. Elle s'est évaporée. Le magicien ne comprend pas. Passé la surprise et l'affolement, le fils réalise au fil des jours sans sa mère qu'il va de mieux en mieux, se détend. Il est même un meilleur amant au lit. Avec l'aide du cinéma, la magie qu'il faisait dans sa chambre gamin pour fuir les cris de sa mère, les disputes de ses parents, vient enfin à bout de son calvaire. Puis sa mère réapparaît, immense dans le ciel, son visage à la place des nuages, à la place de Dieu s'il existe. Elle bouche non seulement l'horizon de son fils, mais celui de toute la ville. Elle ne bougera pas de là tant qu'il n'aura pas renoncé à se marier. Elle est partout. On ne se défait pas de sa mère. Ce film va faire du bruit en Israël, déclara-t-il pendant le tournage. Ce sera l'OTAN en emporte le vent d'Israël. Sa vraie mère, Nettie, est morte à 98 ans. Ils n'ont jamais totalement fait la paix. J'ai 50 ans, je suis associé dans un grand cabinet d'avocats et tout marche très très bien pour moi. Je traîne encore le problème de mes relations avec ma mère. Vous savez, l'autre nuit, j'ai rêvé qu'elle était morte. Mais il a continué à chercher des femmes qui fassent tourner la baraque, l'entreprise, qui cherchent l'argent et négocient âprement pour lui, qui veillent sur lui. Jean-Pierre Mocky se souvient l'avoir croisé à Cannes, fuyant les autres, protégé par ses femmes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent, parce qu'il est un peu assez, il est aussi un type assez solitaire. Et c'est pas un mec qui va dans des endroits, dans des bistrots à la mode, où il y a des réalisateurs qui se traînent. Il va pas dans des soirées, il va pas, vous voyez, il se montre pas. Il est très secret, il est complexé en fait. Il a peur des gens, il a peur de voir des gens, et il n'est pas expansif. Et alors il est toujours entouré de deux ou trois dames qui sont, il y a la chargée de presse, il y a une dame qui s'occupe de sa production, Il est entouré comme ça. Alors à Cannes, quand il arrive au Martinez, je me rappelle un jour, on était au Martinez, il est sorti, il me dit bonjour. Mais il était entouré comme ça. Il était méfiant, il s'isole pas. C'est pas un type qui va vous prendre la main. Bonjour, ça va ? Eh bien, on va boire un verre. C'est pas ça. Il est toujours assez réservé, assez. observateur de la personne qui est en face de lui. Il ne parle pas beaucoup, contrairement à moi. Parmi celles qui l'escortaient, il y avait à coup sûr sa sœur cadette, Letty Ransom. C'est elle, sœur et productrice, qui cherche de quoi financer le prochain film et l'accompagne partout où il va. Il ne s'est pas éloigné de sa famille. On se parle tous les matins. Il m'appelle en général entre 8h et 8h30. La plupart du temps, il a déjà lu les journaux, moi pas encore. Il me dit « Tu as vu l'article dans le Times de ce matin sur telle chose ?» J'en ai pas encore ouvert un seul. On a toujours été très proches. On se parle plusieurs fois par jour. C'est moi qui défends au mieux ses intérêts. Comme je ne suis pas la productrice habituelle qu'il restreint et qui cherche à économiser sur ceci ou cela, même si je suis censée représenter les financiers, je suis dans le camp de Woody pour tous ses désirs. Et les financiers savent très bien, lorsqu'ils donnent leur argent, ils ne verront qu'un film terminé. Ils n'ont pas leur mot à dire entre-temps. Notre relation est amicale et ils viennent nous voir de temps en temps sur le tournage et tout, mais ils ne peuvent pas dire qu'ils ne veulent pas d'un tel dans le film, qu'il faut changer la fin ni quoi que ce soit d'autre. Et donc ils donnent leur argent, ils voient le film terminé et ça marche très bien comme ça. Elle l'appelle comme tout le monde, Woody. Le prénom originel, Alan, qu'elle a prononcé pendant toute son enfance n'existe plus. Letty est un membre de sa famille, mais c'est une excellente manager. John Baxter, biographe de Woody Allen. Elle a été longtemps à la tête du musée de la télévision à New York. Elle a de grandes capacités administratives et elle surveillait ses arrières. Il a besoin de ça. C'est pourquoi il travaille toujours avec les mêmes gens. Le même producteur exécutif, le même monteur, très souvent le même cadreur. Et aussi les mêmes scénaristes, comme par exemple Marshall Brickman sur de nombreux films. Il a ainsi toujours travaillé avec une petite équipe de gens de confiance. Les femmes, c'est donc autant sa sécurité que son insécurité. Pourquoi se maria-t-il si jeune ? Peut-être parce que s'il ne devait subsister qu'une illusion, même fugace, dans la noirceur alénienne, c'est que l'amour est la seule chose qui rende la vie supportable. C'est finalement une idée assez largement partagée. Elle n'a qu'un seul défaut, et pas des moindres pour quelqu'un comme lui. On dépend d'un autre. Et l'autre, c'est l'enfer, semble dire le deuxième commandement de la pensée de Woody Allen. La première épouse, c'était Arlene Rosen. C'était la fille du même quartier, des mêmes origines, rencontrée au foyer juif sur Ocean Avenue. Il la fit venir à Los Angeles quand il travaillait pour NBC. Il l'épousa à toute vitesse au mois de mars 1956 en convoquant un rabbin au motel. Elle avait 17 ans, lui 20. En se mariant, ils quittaient l'un et l'autre leur orbite familiale. Elle étudiait la philosophie, il se mit à lire les philosophes. Ils entamaient ensemble la courbe ascendante, le chemin qui les sortirait de Brooklyn. Mais elle désapprouva son choix de faire des stand-up. Elle pensait qu'il valait mieux, qu'il pourrait devenir un grand auteur. Et il se détourna d'elle. Ils divorcèrent 7 ans plus tard. Elle devint aussitôt l'ex-femme dans ses sketchs. Je suis aussi allé donner mon spectacle à Hollywood. Par hasard là-bas, je suis tombé sur mon ex-femme. Mais je ne l'ai pas reconnu tout de suite parce que ses veines n'étaient pas tailladées. Elle était furieuse contre moi parce que j'avais dit à la télévision qu'elle était l'une des quelques musulmanes blanches vivant à New York. Mais c'est une femme extraordinaire. Le musée d'histoire naturelle a trouvé un jour une de ses chaussures et s'est servi de sa pointure pour procéder à la reconstitution d'un dinosaure. Elle finit par porter plainte contre lui et aussi NBC, car il avait particulièrement ri de l'ex-femme dans l'un de ses shows télé. Elle réclama $1 million. Elle s'estimait dépeinte de manière ridicule et tournée en dérision. Un pacte financier fut conclu. Très généreux, probablement, elle n'a plus jamais reparlé publiquement de son mari. La seconde, c'était Louise Lasserre. Elle était la fille d'une famille chic et un télo de Manhattan. Elle l'ancrait là où il rêvait de vivre. Elle était étudiante en sciences politiques, mais avait interrompu ses études pour devenir chanteuse. Il l'épousa en 1966, comme la première fois, après quelques années de liaison et sans illusion. Il donna un coup de fil 2 heures avant à ses parents pour les prévenir. Ils ne sont pas venus. Il n'y avait pas de rabbin cette fois. C'était un mariage civil à domicile, mais sans joie encore une fois. Ce qui s'explique, dit George Baxter, biographe de Woody Allen. C'est comme on dit dans la nature de la bête. D'abord, il est d'origine juive. C'est un terrain propice à la mélancolie. Tant d'auteurs juifs ont cette même particularité qu'on pourrait croire qu'il y a là-dedans quelque chose d'ethnique. D'autre part, son enfance n'a pas été très heureuse. Ses parents ne le comprenaient pas. Il n'a pas reçu d'instruction et pensait se diriger vers une autre voie. Il ne se destinait pas du tout à devenir acteur. En plus, il a dû travailler très dur et se battre pour se faire connaître. Tout ça laisse des traces et fait des dégâts. Il en est sorti avec une vision très cynique de la vie dont il a d'une certaine manière imprégné ses films. Il fait de Louise Lasserre une actrice, l'héroïne de Bananas, cette activiste de gauche qui pétitionne. Elle est aussi dans tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe. Leur mariage dure moins longtemps que le précédent. Et c'est d'elle qu'il parle en termes aigre-doux à Charles Trampling pour son personnage dans Stardust Memories. C'est lui qui m'a dit que Dory était basée sur Louise. Mais en effet, elle est devenue après une composite de ce genre de femme. C'est une femme qui l'a toujours fascinée, c'est la complexité féminine. Et à travers les personnages d'ailleurs qu'il fait, c'est pour ça pour une comédienne, c'est très intéressant parce qu'il explore toutes ces complexités-là. Et Dory est très fêlée. C'est quelqu'un qui, dans le film, il dit elle est extraordinaire pendant 3 jours par mois, ou 2 jours par mois. C'est peut-être même 2 jours par mois, le reste du temps est invivable. Mais ça vaut le coup pour ces 2 jours-là. Je pense qu'ils ont mis quelque chose de wonderful dans votre lithium. J'ai stoppé de prendre le lithium. Jesus, you're kidding. Dory, that's not a good idea. You can't just go on and off it like that. I don't think it does much good. You're wrong, because I notice a difference. It's not wrong. It's meant to keep getting my blood checked. I'm sure it is. Heavy. But it's better for you. You know, it's not a good thing to just go on, really. La première scène, c'était un dialogue en... presque en gros plan, on regarde presque la caméra, où il demande à Dory si elle a pris ses médicaments. Et Dory est en disant non, finalement, non, j'ai pas pris mon lithium, et puis non, je veux pas, parce que bon, parce qu'en effet, le propos des névrotiques, c'est de pas prendre leurs médicaments, parce que bon, dès qu'ils se sentent mieux, ils arrêtent de prendre les médicaments. Donc ça tournait autour de ça, et ça tournait autour de montrer la fragilité névrotique très vite de ce personnage. Et je pense que dans cette scène-là, parce qu'en même temps, il y a une sorte de, il y a un grand amour qu'on voit entre ce couple-là, mais on sent qu'il y a des failles qui feraient que un couple, c'est très difficile de vivre avec un névrotique, hein. C'est quelque chose qui est dans le film, il montre ça. Alors, tout au long du film, comment évolue ce personnage ? Elle est, chaque fois qu'on la voit, elle est ou extrêmement hystérique, ou extrêmement aimante, ou extrêmement... C'est une personnage qui vit dans les excès. Dans les excès de joie, de douleur, tout est excessif, comme on est dans ces genres d'états-là. Et je trouve que le portrait qu'il fait de Dory est un portrait magnifique d'une femme dans cet état, jusqu'à la dernière scène où elle est dans l'asile et on réalise qu'elle aura beaucoup de mal, qu'elle n'est pas condamnée, mais que c'est quelqu'un qui doit passer par des passages extrêmement douloureux pour s'en sortir. Pendant ma lune de miel, j'étais sublime. Vous m'auriez adoré. Je faisais du ski nautique, torse nu, glissant à toute vitesse sur la surface de l'eau, les cheveux dans le vent, les muscles luisants de crème solaire. Tenant la corde d'une seule main. Avec plus loin ma femme en train de ramer comme une malade. J'ai attrapé un mauvais coup de soleil et ça m'a fait penser à quand j'étais gosse et j'avais honte d'être roux. Il s'était marié alors que tout, sa célébrité montante en même temps que la libération des mœurs, la télé à Hollywood, le cinéma, tout lui permettait de vivre follement. Mais c'était comme jeter un corps qui ne sait pas nager dans le bouillon de ses fantasmes. Comme propulser un rabbin sur le plateau d'un jeu de télé où il faut tout dire de ses penchants et ses perversions secrètes. C'est un sketch de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe. Un rabbin vient avouer qu'il rêve de se faire ligoter et fouetter. You've been a naughty rabbi. While at the same time, I have to be in the synagogue tomorrow. Dad. Mrs. Bowdell, the rabbi's wife, who we've flown in from Indiana, will sit at the rabbi's feet and eat pork. C'est une satire de la télé et ses jeux. Un grand éclat de rire à la face des religieux. En même temps, Woody Allen avait en lui un peu de ce rabbin. Des pulsions sexuelles débordantes dans un corps qui n'osait pas. Dans ses premiers films, il est comme dans la vie, monogame. Si une autre femme se profile, c'est que l'histoire en cours bat de l'aile. Sexe et amour marchent ensemble, alors que l'air du temps tente pourtant de les déconnecter. Jean-Pierre Mocky pense d'ailleurs qu'on fait ses films en fonction de son physique. Vous savez, les réalisateurs, en fait, c'est le physique qui compte. Selon la façon dont ils sont physiquement, leurs œuvres s'en ressentent, quoi. Et les hommes à femmes, les hommes qui cherchent des femmes, qui n'en ont pas, etc. Il y a tout un... Alors leurs films, évidemment, c'est toujours des sujets autour de ça. Et finalement, il aurait voulu être autrement, et puis il est comme ça. Alors il se sert de ce qu'il est, et ça lui réussit, quoi. Il a réussi à, avec ce petit personnage qui n'est pas beau, qui a l'air de, comme ça, d'un petit bonhomme qu'on voit dans la rue, comme ça. Il y en a beaucoup de gens comme lui dans la rue. Moi, je l'aime bien. Woody Allen, face à un autre réalisateur, Jean-Luc Godard, venu tourner un entretien avec lui en 1986, n'était pourtant pas loin de plaider pour sa paroisse. En n'ayant rien de commun avec Al Pacino, rien de ces surhommes promus par l'Amérique, il avait des chances de toucher l'homme ordinaire. C'est probablement l'une des clés de son succès. Mais c'est très dur de trouver un acteur américain qui soit un homme normal, ordinaire. Ils sont tous très sexy, comme Jack Nicholson, Al Pacino ou Robert De Niro. Mais il n'y a pas d'hommes comme tout le monde. Quelqu'un de drôle qui peut être grave s'il le faut. Pour une raison ou pour une autre, ça n'existe pas sur le marché des acteurs américains. Would you like some wine? Something to put you in the mood. I've been in the mood since the late 1700s. You're disgusting, but I love you. Well, my disgustingness is my best feature. It must be lonely at the front. How long has it been since you've made love to a woman? What's today? Monday, Tuesday, 2 years. 2 years? You remember how, of course. Well, if you start me, it'll all come back. Le succès venant, il a donc pris confiance, s'est libéré. Dans Guerre et amour, Natasha, Jessica Harper, dit « Je veux ne jamais me marier, je veux juste divorcer. » C'est la voix de Woody Allen que l'on entend derrière cette réplique. C'est lui qui l'a écrite. Comme ce dialogue. Sonia affirme « Le sexe sans amour est une expérience vide. » Boris lui répond « Oui, mais de toutes les expériences vides, c'est une des meilleures. » C'est lui qui joue Boris. « You're the greatest lover I've ever had. » I practice a lot when I'm alone. La performance sexuelle est importante et questionnée dans tous les films où il joue. Le sexe détermine la santé du couple. Ça donne des scènes à la fois chastes et charnelles, des draps remontés sous les aisselles, de longues discussions aussi. Voici enfin Annie Hall, sortie en 1977. Il y a plus de femmes dans le paysage, deux ex-femmes épousées trop vite, comme dans la vraie vie, et Annie Hall, jouée par Diane Keaton, dont le vrai nom à l'état civil est justement Hall. C'est le film charnière, la première comédie sentimentale après la farce, la première comédie personnelle aussi, puisque ce film est le constat d'une liaison qui a échoué. Well, bye. You play very well. Oh, yeah? So do you. Oh, God, what a dumb thing to say, right? I mean, you say it, you play well, and then right away I have to say you play well. Oh, God, Annie. Well, oh, well. La-di-da, la-di-da. How did you meet? Comment avez-vous rencontré Diane Keaton? How did I meet her? We were in a play together. Nous jouions une pièce ensemble, Play It Again, Sam. Play It Again, Sam was. Elle auditionnait pour le rôle principal et on la trouvait merveilleuse. Auditioned for the lead and everybody thought she was wonderful. On a joué des mois ensemble et puis on est sortis ensemble. Voilà. For months and then started to go out together and that was out. Which way are you going? Me? Downtown. I'm going uptown. Oh well, you know I'm going uptown too. You just said you were going downtown. Yeah, well, but I can. Oh, I'm sorry. I can go uptown too. I live uptown, but. We're very, very close friends. En dehors de notre idylle, nous sommes restés des amis très proches. Je compte sur elle plus que sur quiconque. Je ne tournerais pas un scénario si elle était contre ou ne l'aimait pas. And advise me against it. Je me fie beaucoup à son jugement. Il est sans sophistication, elle est directe. Opinion, because I feel it's uncluttered by sophistication. You know, it's very, very direct. Woody Allen et Diane Keaton se sont rencontrés quelques années plus tôt, alors qu'elle venait auditionner pour sa pièce de théâtre, Play It Again, Sam, qui donnera ensuite le film Tombe les filles et tais-toi. Elle avait 20 ans, déjà quelques rôles sur Broadway, mais elle arrivait d'ailleurs, de la côte ouest. Elle n'avait pas les codes new-yorkais. Elle était timide et originale. Il craignait d'abord qu'elle ne soit trop grande pour jouer avec lui dans la pièce, qu'elle ne le fasse trop petit. On était en 1969. Dans la presse d'alors, on pouvait lire que Woody Allen avait écrit cette pièce pour faire de nouvelles rencontres. Il n'était plus depuis longtemps le fournisseur de bonnes phrases et de blagues qu'on attribuait à des vedettes dans les chroniques mondaines des journaux. Il avait rejoint ce monde des vedettes. Il avait deux divorces derrière lui. Il lâchait des phrases comme ça, immédiatement reprises. « Je veux rencontrer des filles. » Sous-entendu, je vais auditionner plein de jeunes actrices et il peut se passer beaucoup de choses. Il pouvait désormais déconnecter ses prétentions de son profil de maigrichon binoclard. Ses prétentions étaient devenues légitimes puisqu'il était un metteur en scène et un comique reconnu. Son corps de maigrichon binoclard, il le laissait à son personnage de théâtre, cet être de fiction qui, lui, ramait avec les filles. Le succès l'avait sorti de l'ornière, de son corps même. Que serait-il devenu sans le succès? Il le dira dans Stardust Memories. Il est un réalisateur en vogue, rattrapé par un ami d'enfance. Hey, Sandy! Jerry Abraham, tu te souviens de moi? On a grandi ensemble. Ah oui, bien sûr, tu m'as déjà demandé ça l'autre jour, bien sûr, je me souviens de toi. Pourquoi est-ce que je t'aurais oublié? Bah, tu sais, les gens grandissent, ils deviennent de gros bonnets, ils oublient. Je joue au foot avec des boîtes de concert. Ouais, on est aussi allés à l'école hébraïque. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques? Tu sais ce que je fais maintenant? Je suis chauffeur de taxi. Mais t'es en forme, tu sais, y a pas de sous-métier. Ouais, bien dans le... mais regarde-moi par rapport à toi. Enfin, je veux dire, toutes ces superbes gonzesses. J'ai mal à la tête. Tu sais que c'est formidable. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, j'étais le gosse du quartier qui racontait des blagues. Alors, nous vivons dans une société qui place les blagues au-dessus de tout, tu vois. Et d'un autre côté, si j'avais été un Indien Apache, eh bien, ces mecs-là n'auraient pas besoin de comique, n'est-ce pas? Alors ouais, bah, je suis au chômage. Oh, quand même. c'est pas avec ça que tu me remontes le moral, tu sais. je sais pas quoi te dire. J'ai eu de ces migraines. Question de chance. La chance, c'est tout. J'ai eu que de la chance. Je suis le premier à le reconnaître. J'ai eu un pot de cocu. Si j'étais pas né à Brooklyn, si j'étais né en Pologne ou à Berlin, bah, aujourd'hui, je serais un abat-jour. L'idylle avec Diane Keaton naît pendant les répétitions de la pièce. Elle ne va durer qu'un an. Elle a pourtant semblé beaucoup plus longue. Car le cinéma ensuite va figer ce couple sur la pellicule et dans les mémoires. Annie Hall donc. Leur rencontre. Une raquette de tennis à la main. Sa tenue à elle, son chapeau mou, sa veste, sa cravate. Leur bafouillement l'un à l'autre. Lui pas plus qu'elle pour une fois. Leur complicité, leur fou rire au moment d'ébouillanter Léomard. Talk Cette scène-là fut la première qu'ils tournèrent à Long Island. C'était un moment de totale complicité et de légèreté avant que les choses ne se dégradent. Un moment d'insouciance avec une femme qu'il n'a atteint avec aucune autre. Un moment où l'on voit Woody Allen rire comme rarement. Puis l'usure ensuite, le sexe qui se raréfie, viennent les psys au chevet du couple. C'est ça les temps modernes de Woody Allen. L'écran se coupe en deux, à chacun sa parole. Lisa Deutscher, psychanalyste de West Manhattan, ne l'a pas oublié, cette scène d'Annie. Le cinéma de Woody Allen a mis en image les alcôves secrètes de l'analyse. Il se présente comme un type anxieux et manquant de confiance en lui. C'est la raison pour laquelle il a tant de problèmes avec les femmes. C'est effectivement le genre de problème qui peut pousser quelqu'un à aller voir un analyste. Les difficultés à avoir des rapports intimes, à rencontrer un partenaire, ce genre de choses, et l'opinion qu'on a de soi-même. Toutes ces comédies sont basées sur cette présentation d'un pauvre schlob qui se traduirait en français par un pauvre type pitoyable. Votre virée à Brooklyn a été le dernier bon après-midi que nous ayons passé ensemble. Nous ne rions plus ensemble, plus jamais. C'est là le problème. Et puis je deviens maussade et mal dans ma peau. Vous avez des rapports sexuels fréquents? Coït fréquent? Hardly ever, maybe three times a week. J'arrive à peine, je sais pas, à trois par semaine. Constantly, I'd say three times a week. Continuel, en tout cas trois fois par semaine. Tiens, l'autre soir, Alvi a voulu faire l'amour. Elle n'a pas voulu faire l'amour avec moi l'autre nuit. Je ne sais pas ce que j'ai, c'est vraiment, il y a six mois, j'aurais dit oui, ne serait-ce que pour lui faire plaisir. Franchement, j'ai tout essayé, tout, de la musique douce en fond sonore, mes petites ampoules rouges pour l'ambiance. Mais voyez-vous, ce qui se passe, c'est que grâce aux discussions que j'ai avec vous, je revendique mon identité réelle. Il y a quand même une chose que je ne digère pas. Vous avouerez que c'est un comble, quoi. C'est moi qui paye son analyse et c'est elle qui fait des progrès, alors c'est encore moi qui l'ai dans le cul. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai mauvaise conscience parce que c'est Alvi qui paye toutes les séances chez vous. Moi, je fais des alors, j'ai mauvaise conscience de refuser de faire l'amour avec lui. Mais si par contre, j'accepte de faire l'amour avec lui, moi, je vais contre mes sentiments. C'est Cornélien, ce va-et-vient permanent. Ses progrès sont un défi à mes progrès. Il m'arrive de me dire que je devrais vivre avec une femme. Il y a une scène où l'écran est divisé en deux et où Diane Keaton et lui sont chacun de leur côté en train de parler à leur analyste. Il leur demande quelle est la fréquence de leur rapport sexuel et lui répond « presque jamais, environ trois fois par semaine ». Et puis elle, sans arrêt, au moins trois fois par semaine. J'ai trouvé ça très révélateur. Il faisait d'autres remarques sur leur relation. Encore une fois, de façon très générale. Et cela montre que ce qui compte est la réalité de chacun. On ne peut pas dire si c'est presque jamais ou tout le temps. C'est quelque chose de complètement subjectif. Et il est important de comprendre que la réalité n'est pas la même pour tout le monde. Et aussi sa signification. Ils finissent donc par rompre. Il vient la rechercher à Los Angeles. Elle lui reproche de n'être qu'une île, comme New York, de ne pas savoir profiter de la vie. Des choses qu'ils se sont peut-être dites en vrai. Ce couple de cinéma semble dire la malédiction qui frappe l'amour moderne. Le tout est possible désormais qui confine à l'impossible. La confusion des sentiments libérés, l'usure qui menace, l'ennui, la peur de l'engagement, le consumérisme. Et si en s'engageant avec elle, j'en ratais une autre. Le titre initial était Anhedonia, qui veut dire le contraire de l'hédonisme, l'incapacité à trouver du plaisir. Woody Allen l'a écrit avec son comparse, Marshall Brickman, rencontré lorsqu'il œuvrait dans les coulisses des shows télé. Le New York Times publia une de leurs conversations à la sortie du film. Brickman disant « Le bonheur n'est pas un état, c'est un changement d'état ». Allen lui répondant « Un état est répétitif, donc ennuyeux. Il nous faut une nouvelle définition du bonheur, comme une forme plus bénigne du tourment. » En clair, il n'est que des éclaircies. Le bonheur n'existe pas. Pas plus que la femme idéale. Mais tu sais très bien que je n'ai jamais pu tomber amoureux. Je n'ai jamais été capable de trouver la femme idéale. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et là, je rencontre Doris. Une femme merveilleuse, personnalité superbe. Mais pour je ne sais quelle raison, elle ne m'excite pas sexuellement. Ne me demande pas pourquoi. Et alors là, j'ai rencontré Rita. Une bête, méchante, mauvaises, des problèmes, eh bien j'adore coucher avec elle. Mais n'empêche qu'après, j'ai toujours eu envie de me retrouver avec Doris. Alors je me suis dit, si seulement je pouvais mettre le cerveau de Doris dans le corps de Rita, ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Et surbalancer, je n'ai pas hésité. Après tout, je suis chirurgien. Chirurgien? Où as-tu fait ta médecine? En Transylvanie? Alors, j'ai pratiqué l'opération et tout s'est déroulé à la perfection. J'ai fait un chassé-croisé de leur caractère et j'ai ôté toute la méchanceté et je l'ai mise là. J'ai transformé Rita en femme chaleureuse et charmante, sexy, douce, le cœur sur la main, adulte, la perle. Et alors là, je suis tombée amoureuse de Doris. Dans cette scène de Stardust Memories, on le voit en professeur fou qui voudrait mixer les femmes, prendre le meilleur de chacune et composer la perfection. Alan n'est plus simplement dans sa névrose, ses souvenirs et ses impasses. Il est au cœur de la quête amoureuse occidentale qui prétend à la jouissance et au romantisme. Alors, tandis que le cinéma américain s'offre de plus en plus d'effets spéciaux, la petite musique alénienne triomphe. Variety écrit à la sortie d'Annie Hall en 1977. Dans une décennie largement consacrée aux films de mecs, aux fantasmes de viols brutaux et aux débauches d'effets spéciaux impersonnels, Woody Allen a presque à lui tout seul sauvé l'histoire d'amour hétérosexuel dans le cinéma américain. Retournement complet de l'histoire. Le petit rouquin handicapé de l'amour a sauvé l'amour. Il plane largement au-dessus du cinéma viril. Il sauve l'amour en l'interrogeant sans cesse, en lui gardant son aura sans nier son impossibilité. Il ne fera jamais que cela, parler d'amour, ce va-et-vient des hommes et des femmes. Ses échecs contiennent tous les autres, les nôtres. Le psychanalyste Jacques Assoun a toujours dit l'apport de son cinéma à cet insoluble sujet. L'amour ? Peut-être l'amour, comme ça, spontanément l'amour. Je dirais pas papa, maman, je n'en sais rien, je connais pas du tout, je connais mal la biographie de Woody Allen, ou je connais trop peu, et puis d'ailleurs je ne me permettrai pas. Mais par contre, ce qu'il nous donne à voir, c'est de, qu'est-ce que c'est aimer, hein? Qu'est-ce que c'est aimer? Qu'est-ce que c'est que cette radicale difficulté d'un rapport d'un homme et d'une femme? Comment une femme et un homme peuvent-ils se parler et se comprendre? Il me semble que la majorité des gens s'imaginent que ça va de soi. Or, Woody Allen confirme ce que personnellement je pense depuis de nombreuses années, mais je suis très heureux d'avoir une confirmation chez Woody Allen, c'est qu'entre un homme et une femme, il y a une séparation radicale, énorme, même si elle est parfaitement transparente, extrêmement fine et extrêmement perméable, qui fait que ça ne va pas de soi et qu'on peut mettre des années à se faire entendre de l'autre. En tout cas, et c'est ce qu'exprime Woody Allen, hein, c'est, il a les meilleures volontés du monde, il fait tout pour la femme avec qui il est, elle ne comprend rien, elle fait tout pour lui et il n'entend rien. Et ils sont tous les deux dans la plainte. Et je trouve ça absolument fabuleux. C'est ça, c'est tellement vrai, c'est tellement ça. Hein? Alors, quand il y a de l'amour, le fait que l'on se trompe, ça peut être une relance. Mais quand il n'y a pas d'amour, et ça il le montre très bien, le fait de se tromper, ben, c'est la preuve qu'on est le premier des imbéciles. Hein? Or ça, il le montre aussi dans les films. Hein? C'est-à-dire, comment nous fonctionnons tous sur les malentendus et la double méprise? Grande traversée, Woody Allen Stories. Troisième épisode, les femmes, ce miroir. Quand sort Annie Hall, il a 42 ans. Il est un réalisateur au sommet de son art et sa carrière. Il sort avec les jeunes actrices du film de façon plus ou moins discrète. Il est le Pygmalion et elles, les jeunes créatures qui apprennent tant à ses côtés. Un vieux schéma dans lequel il se coule parfaitement. Je peux m'asseoir près de vous là? Oui, faites comme chez vous. Non, alors parlez-moi, qui êtes-vous? Donnez-moi très vite un tas de petits détails très personnels, hein, parce que ne laissez rien dans l'ombre. Vous êtes mariée, vous vivez avec quelqu'un? J'ai l'air comme ça fascinante, mais je pose des problèmes. Des problèmes? Non. Vous venez de dire ce qu'il fallait. Alors, vous êtes libre pour aller dîner ce soir? Quels sont vos projets ultérieurs? Ne vous croyez pas obligé de me dire oui, parce que je suis le réalisateur du film. C'est que, enfin, c'est un gros coup pour moi. Je suis une débutante, j'ai une seule réplique et je fais une grosse impression sur vous rien qu'en lisant en diagonale Schopenhauer. Et vous comprenez quelque chose? Non, mais je sais faire semblant dans la plupart des situations. Ouais. Bon, il faut que je vous l'avoue, je me sens fatalement attiré par vous. Alors, attention, parce que Vous savez, je m'appliquerai, jusqu'à là, ça m'a réussi. Bien des actrices ont souri en coin et en silence quand on leur parlait de ce Woody Allen si petit devant les femmes. Marielle Hemingway, qui avait 18 ans lorsqu'elle tourna dans Manhattan, vient de révéler dans ses mémoires comme il l'a poursuivi de ses avances sur le tournage et ensuite. Il savait courir après les femmes, les conquérir. En tout cas installé, selon Richard Brody, critique du New Yorker, cette tension qui lie une actrice au réalisateur qui la regarde. Il y a des actrices avec lesquelles il a joué ou qu'il a dirigé, avec lesquelles il n'a pas entretenu des rapports amoureux. Mais même sans rapport amoureux, il y a des rapports personnels, c'est-à-dire que en général, au cinéma, ce qui passe entre un réalisateur ou une réalisatrice et les acteurs, c'est pas seulement technique, c'est personnel. Et il y a des metteurs en scène plutôt techniques qui utilisent savamment ce rapport pour arriver à leur fin, mais il y a d'autres comme Woody Allen pour lesquels le rapport lui-même est une matière primaire. On entend souvent chanter Sinatra dans les films de Woody Allen. Me? Yeah, you, because in the dream, I break Sinatra's glasses. Sinatra had glasses? You never said Sinatra had glasses. What are you saying, that I'm suffocating you? Oh, and God, Alvy, I did this really terrible thing to him, because then when he sang, it was in this real high-pitched voice. Finalement, le réalisateur s'est rapproché du crooner. Comme lui, il susurre une musique romantique, raconte des amours perdus, dit même « la vie est divisée entre l'horrible et le misérable, et tu as de la chance si tu es dans le misérable ». Mais dans la vie, sa vie de réalisateur star, ça allait pas mal. Il n'a pas été cet homme tremblotant et bégayant devant les femmes qu'on a tant vues dans ses films. C'est un acteur, un très bon acteur, un acteur qui puise dans ses souvenirs ou dans l'idée de ce qu'il aurait pu devenir. Le comédien Bernard Murat a été sa voix française pendant 30 ans. Il a cherché ses intonations, ses accents, ses motivations à l'intérieur, dans le scaphandre, comme il dit. J'ai passé tellement d'heures à octer, à bégayer, à hésiter sur un mot. Bon, c'était très difficile à faire, voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est que c'est vraiment très difficile à faire, c'est très fatigant. Mais pour être hyper synchrone, pas simplement d'une manière technique, mais d'une manière dramaturgique, je dirais, de rentrer vraiment dans le rôle. C'est assez mystérieux et voilà, il faut revenir aux racines du rôle. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il joue là? Pourquoi il le joue comme ça? Pourquoi? Voilà. Et là, on le suit et c'est les montagnes russes. Ça n'arrête pas. C'est un Arlequin. Voilà. Et en même temps, c'est Brecht, c'est Schweik, c'est le petit homme. Bon, qui est perdu dans l'immensité, mais c'est Chaplin. Donc voilà, c'est dans la lignée, c'est assez... Si on est un peu pétri de classique, si on a été, qui soit le classique du grand théâtre classique français ou le classique du cinéma qui a d'ailleurs été nourri par le théâtre, parce qu'il faut bien revenir toujours à ça, le théâtre est au départ de tout. Hein. La Grèce ne doit rien, on doit tout à la Grèce. Le théâtre ne doit rien parce qu'on doit tout au théâtre. Tu m'aimes ? Bien sûr, je t'aime. Non, mais tu m'aimes vraiment, tu l'es bien sûr. Ah oui, oui, je t'aime, je t'aime. Hmm? Peux-tu définir cet amour? Je t'aime, quoi. Je t'aime, je te veux. Oui. Dans le sens de te dorloter pour, oui, pour ta totalité, ta latitude, ta longitude, la présence d'un être, quoi, un tout, le va-et-vient de la gratitude, hmm? Et l'amour de mère nature. Et le sentiment de possession sans que la propriété soit le vol. Et... T'as pas un chewing-gum? Hein? Non, mais c'était plutôt un type qui était comme ça, qui avait toujours des angoisses. Non, mais parce que... Alors voilà, je vais dire... Non, voilà. Hein. C'est beaucoup haché comme ça. Haché. Oui, parce que, alors là, bon, on va chercher dans Freud et ailleurs. Bon, comment, à un moment donné, pourquoi les gens bégayent? Il ramène toujours Schweik. Il ramène toujours le petit homme perdu avec les femmes qui sont monstrueuses, qui sont énormes. Moi, il est tout petit. Et avec le psychanalyste, il fait un effort pour pas crier, quoi. Bon. Lui non plus n'est pas comme ça dans la vie. Je le voyais, je l'observais l'année dernière à New York. Je voyais parler avec des gens. Il n'est pas comme ça. Il est plus posé, même dans les interviews. Non, il joue un personnage, de toute façon. C'est un vrai acteur. Mais c'est un acteur au sens vraiment... je le situerais plutôt vers les Italiens. Quoi. Alors Sinatra peut chanter dans les films de Woody Allen. Ils sont sur la même rive désormais. Celle des hommes à femmes. Dans Stardust Memories, Woody Allen, qui joue le rôle d'un réalisateur à succès, installe même une petite groupie portant un t-shirt de lui dans sa chambre d'hôtel. I'm sorry, forgive me, I'm in the wrong room. No, you're right, this is your room. Isn't this fun? I tip the porter so I can meet you. Jesus, you're kidding. You told me they let you in here? Une groupie, une maîtresse, une mère, une sœur, Marie-Christine Barrault qui fait sa gymnastique faciale pour ne pas avoir l'air vieille trop vite. Judy qui s'en va mettre son diaphragme à la demande de Gabe. Woody Allen convoque une foule de femmes. Il les regarde, probablement comme il les regardait gamins, se bousculer, traîner, chantonner dans la salle de bain. I just have not grown up and I feel, you know, it's not, you know, I see other guys my age. I mean, I'm always thinking of fucking every woman I meet. I meet a woman, whoever, on the bank, a stranger, I see a woman on the bus, I think, what would she look like naked? Is it possible I can fuck her? And, you know, this is crazy. I see... Guys, I know that are lawyers and doctors, they have families and houses. They're not so, you know. Does the president of the United States want to fuck every woman he may? You know, so bad example. You know. Elles sont modernes, dynamiques, intelligentes. Elles ont un métier, des convictions politiques. Elles doutent beaucoup aussi. Elles sont toutes fragiles, endurantes, parfois dingues. La névrose féminine est là. Il la montre. Mais la sienne à l'écran semble si profonde qu'il semble dire match nul. Il a besoin d'elle. Parfois même, elle parle pour lui. Il est Cecilia dans La Rose pourpre du Caire qui veut rentrer dans l'écran de cinéma. Il est Blue Jasmine, incapable d'accepter la réalité et la dégradation sociale. Il est la magicienne menteuse jouée par Emma Stone dans Magic in the Moonlight. Il est Melinda, la doublement tragique et comique, d'où le titre du film Melinda, Melinda. Laquelle des deux Melinda, au fond, préférez-vous ? La plus gaie ou la plus triste ? Oh. As a writer, I prefer the sad one. En tant que scénariste, je préfère la triste. But to live with one, it would have to be the comic one. Mais pour partager ma vie, je préférerais celle qui est amusante. Because at least she has figured out some way to go on living. Au moins, elle a trouvé une façon de faire, une façon de sentir et une façon de vivre. Denies reality. Elle ignore les réalités de la vie. She makes jokes. Elle fait des plaisanteries. She's able to not get crushed by the real world the first Melinda. Elle arrive à ne pas se faire arrêter par le monde, à ne pas se faire stopper dans sa vie par les réalités du monde comme l'autre Melinda. Il y a les putains qui ont toujours droit à la tendresse de Woody Allen. C'est l'une d'elles, d'après le biographe George Baxter, qui l'aurait dépucelé à un âge où il ne savait pas approcher les filles. Woody a aussi toujours eu un vif intérêt pour la prostitution. Je ne pense pas qu'il me contredirait. Ses premières expériences sexuelles ont eu lieu avec des prostituées. Il les trouve intéressantes en tant qu'être humain. Elles aussi apparaissent constamment dans ses films, représentées généralement de manière favorable. Et l'on pense à cette magnifique prostituée noire en short et bustier rose qui l'accompagne dans Harry dans tous ses états. Harry Blount? Yeah, you Cookie? Cookie Williams. You wanted me here at 10? Yeah, jeez. So, you want to... Should we get to it? You don't want to talk a little while first? Talk why? Really? I mean, most guys don't like to just jump right into bed without a little talking. They think it's a little too businesslike. Oh, not me. So I'm not that you would tie me up. Whatever you want. But first, let's get the monetary part out of the way, and then we can relax. Absolutely. You get 200? That's right. There you go. Okay, so you want me to tie you up, that's it? Yeah, tie me up. I'd like you to hit me a little bit and give me a blowjob. Okay. A blowjob, then hit you. No. Hit me and then the blowjob. I want to get the order right, otherwise it's no fun. Tie me up, hit me, give me a blowjob. Well, what do you want me to tie you with? Well, you know, the truth is I thought you were going to wear stockings, so... Il est écrivain. Il n'a personne pour l'escorter à une remise de prix. Il lui tend $500 pour qu'elle reste dormir et l'accompagne demain, en famille et à l'université. C'est la plus compréhensive des femmes. C'est aussi le plus bas de l'échelle sociale, noire et prostituée. Il l'emmène dans ses hauteurs, une université qui le décore, puis sa famille. Bien sûr, à la fin, elle se fait pincer à cause de la marijuana dans son sac, mais lui aussi, pour rapt d'enfant. Il a pris son fils devant l'école plutôt que de le laisser en classe. Son ex-femme alertée l'a dénoncé à la police. Elle lui a interdit de prendre leur fils ce jour-là. Elle n'aime pas la façon dont il lui parle. I know what your conversations are like with him, and don't think I didn't hear about open school week. Beth Kramer has never been so appalled in her entire life. Dad, what is it? Papa, pourquoi mon pénis ressemble pas au tien? Pourquoi ton pénis ne ressemble pas au mien? Parce que ta mère et moi, on t'a jamais fait circoncier. Voilà. Et quand j'avais ton âge, tous les gosses de mon quartier, tu sais ce qu'ils faisaient? Ils donnaient des noms à leur pénis. Moi, je l'appelais Dinger. Dinger, c'est parfait. Dinger, c'est super. Tu es inspiré, tu es un génie. Dinger a été un des grands, grands génies dans sa profession, comme Arsène Lupin. Tu sais, tu te rappelles qu'on avait parlé de Freud un jour? Eh bien, Freud a dit que ce qu'il y a de plus important pour avoir une vie agréable, c'est la profession qu'on choisit et le sexe. Il n'y a que ça qui compte. Ah oui? Les femmes sont Dieu. Dieu est une femme? Non, j'ai pas dit que tu es une femme, parce que je t'explique autrement. Il y a des femmes. On n'est pas certain qu'il y ait un Dieu, mais il y a des femmes. Tu sais, pas dans un paradis imaginaire, mais ici même, sur Terre. Et il y en a parmi elles, certaines, qui achètent leurs dessous chez Chaland Nocturne. Il y a donc l'ex-femme vengeresse. Mais il n'est pas non plus le bon père. Disons que l'hystérie des femmes est à la mesure de l'égocentrisme des hommes qu'il s'est longtemps chargé d'incarner en version incurable. Et il y a les femmes entre elles. Il y a Eve dans Intérieur, premier film dramatique de Woody Allen, hommage direct, trop direct, à Ingmar Bergman. Eve, cette mère qui glace tout à force de perfection. Elle est décoratrice, son mari la quitte pour une autre, tellement plus gaie, plus vivante, dansante. Bien sûr, on le comprend, ce mari qui étouffe. Mais il n'est pas très fin, puisqu'il viendra se remarier dans cette même maison que sa femme décorait. Mais le sujet, ce n'est pas lui, ce couple. Son départ n'est qu'un déclencheur. Le sujet, ce sont les femmes entre elles, la mère, les trois filles du couple, déjà femmes, qui n'arrivent pas à se construire une vie, qui se cherchent une place, une identité. Elles sont chacune à leur manière marquées par la folie de leur mère, mais elles ne peuvent la quitter comme peut le faire un homme. Woody Allen met en place un véritable nuancier féminin, fait d'empathie, de conflit, de rivalité. Même chose des années plus tard, dans Anna et ses sœurs, où le désir des hommes n'est qu'un prétexte à les regarder se frôler, s'éviter, s'opposer ou se soutenir. Les femmes charpentent ces films. Ladies and gentlemen, Diane Keaton. En 2014, venue recevoir un Golden Globe à sa place, son amie et muse Diane Keaton insista sur toutes ces femmes sorties de la tête de Woody Allen. Well. Je pense pouvoir dire sans crainte que Woody Allen est une anomalie. Il a fait 74 films en 48 ans. Il les a réalisés, a joué dedans, il les a produits et bien sûr, il les a écrits. Il les a tous écrits. Pour moi, ce qui rend Woody unique, ce sont les voix de quatre décennies de personnages féminins inoubliables. Dani Hall à Kate Blanchett, magnifique dans Blue Jasmine. C'est difficile pour moi de réaliser que 179 des plus captivantes actrices mondiales sont apparues dans ces films. Il y a une raison à cela. La raison, c'est qu'elles le voulaient. Elles le voulaient parce que les femmes du monde de Woody sont des personnages complexes. Elles se battent, elles aiment, elles s'effondrent, elles dominent, elles sont drôles. Elle porte toute la marque de Woody Allen. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que rien ne relie ces personnages inoubliables, sinon le fait qu'ils sortent de l'esprit de Woody Allen. L'esprit de Woody. Woody's mind, yeah. Il protège donc d'une douce lumière, voire de mots apaisants, l'actrice sur le plateau. En revanche, les actrices comme personnages ne sont pas épargnées. Totalement névrosée, Nola jouée par Scarlett Johansson dans Match Point, ou Amanda jouée par Christina Ricci dans Anything Else, Elle est folle. Le Pentagone devrait utiliser ses hormones comme arme chimique, dit Double, joué par Woody Allen. Il faut dire qu'avec le temps, l'amertume s'installe et le cinéma de Woody Allen s'acidifie. Il rencontre Mia Farrow au début de l'année 80. Ils se sont croisés déjà, fait des compliments sur leurs œuvres respectives. Elle a été l'actrice de Rosemary's Baby de Polanski. Elle a beaucoup aimé Manhattan. Il l'invite chez lui un soir de réveillon très chic et mondain. Il n'est pas un hôte flamboyant, il est presque invisible. Puis il la rappelle ou la fait rappeler par son assistante. Il n'aime pas le téléphone. On repense au temps où Jack Victor appelait les filles à sa place parce qu'il avait une voix plus virile que lui. Est-ce que ça disparaît définitivement, ces choses-là ? Mia Farrow est une enfant d'Hollywood, fille du réalisateur John Farrow et de Maureen O'Sullivan, qui fut la Jane de Tarzan, jouée par Wes Müller. Elle a un visage de princesse de conte classique, les traits fins, les yeux bleus, les boucles blondes. Il est celui qu'un miroir a envoyé promener. Parfois, quand je me regarde dans la glace, je repense à cette époque et je me dis « Tu es Alan Koenigsberg de Brooklyn, tu devrais manger à la cave, non ?» C'est des choses qu'il dit parfois. Mais ils vont se revoir. Il lui fait la cour pendant des mois, mais en laissant toujours son assistante fixer les rendez-vous. Et finalement, les voilà ensemble. Il vit désormais avec l'ancienne femme de Sinatra. C'est dire s'il a fait du chemin. Il repense alors à sa cousine, Rita, à ses posters dans sa chambre. She's a fool and don't I know. But a fool can have her charms. I'm in love and don't I show. Like a babe in arms. Love's the same old sad sensation. Lately I've not slept a wink since this silly situation has me on the blink. Je revois Rita, petite fille. Elle était à genoux devant Sinatra comme tout le pays. Sinatra, c'était le sommet, le prestige à son summum. Je parle aussi bien du cinéma et des disques que de la radio. Un dieu, tout simplement, et c'était mérité. L'idée que mon petit monde lugubre et le sien pouvaient ne fût-ce que se frôler aurait fait éclater de rire n'importe qui. Vous m'imaginez, moi, à 4 ans, dans un minuscule appartement de Brooklyn, avec une famille qui n'avait rien à voir même de loin avec le show business et dans laquelle tout le monde faisait des petits boulots, genre chauffeur de taxi pour doubler les fins de mois. Si quelqu'un avait dit à Rita que la mère de mes enfants avait été l'ex-femme de cet homme illustre, elle l'aurait pris pour un martien. Couldn't sleep, wouldn't sleep. Alors tout va se concentrer encore plus, ses films et sa vie. Mia Farrow est l'ange blond qui occupe ces deux faces de son existence, le réel et l'imaginaire. Elle a 7 enfants, aucun de Sinatra avec lequel elle est restée mariée à peine 2 ans, mais 6 de son précédent mariage. 3 sont nés d'elle et de son mari, et 3 ont été adoptés. 2 petites orphelines vietnamiennes et une petite coréenne appelée Sonny. Elle vient d'adopter un petit garçon handicapé, Moses, l'année où elle tombe amoureuse de Woody Allen. Il fait mine de prendre les choses avec flegme. Vous n'avez jamais regretté de n'avoir pas fondé une famille ou vous n'en éprouvez pas le besoin ? Ben, ça m'est égal. J'ai toujours pensé que je peux être très heureux de vivre sans enfants. Et aussi très heureux de vivre avec des enfants. Quand je vivais avec Diane Keaton, elle ne voulait pas d'enfants. Mais moi, j'étais d'accord. On s'amusait bien, on était bien ensemble, on s'aimait bien. Mia Farrow a 7 enfants. Alors, je me suis trouvé tout d'un coup en rapport avec 7 enfants, jouer avec eux, les sortir, 7 jeunes enfants. Mais c'est parfait. Et si j'aime une femme, pas d'enfants ou 20, c'est OK pour moi. Ils sont drôles, mais c'est une grosse dose d'enfants, 7, hein, d'un seul coup pour quelqu'un qui n'en a jamais eu un seul. Mais je me débrouille avec ma maladresse habituelle. Technique, and it's been just fine, no problem at all. Vous savez, je suis très heureux, je viens d'une famille juive très nombreuse. Je vivais avec beaucoup de cousins, ma mère avait 7 sœurs, et j'ai toujours vécu dans une maison pleine. Non, ça me dérange pas. C'est un nouveau chapitre de sa filmographie qui s'ouvre, comme si les visages féminins en dessinaient les séquences, mais sans en modifier l'histoire. Il écrit pour elle. Elle est lui quand elle joue Cecilia, hypnotisée par l'écran dans la rose pourpre du Caire. Elle est sa sauveuse dans Zelig, la psychiatre qui veut comprendre et guérir les symptômes de cet homme qui se fond dans l'autre au point de disparaître. Elle ne tourne plus qu'avec lui. Et avec elle, c'est la famille au sens large qui entre dans sa vie, comme dans ses films. Ils ne vivent pas sous le même toit. Il a besoin d'être seul, avec ses projets, sa clarinette, lui-même. Il vient de faire l'acquisition d'une salle de montage et d'une salle de projection, le Manhattan Film Center sur Park Avenue. Il s'y rend à pied chaque jour depuis chez lui. Mais il a sur son agenda, à heure fixe, des créneaux pour aller se promener avec les enfants. Ils seront 8 bientôt. Mia Farrow adopte une petite fille née en 1985. Woody Allen la reconnaîtra, comme le petit garçon que Mia Farrow venait d'adopter lors de leur rencontre. Moses et Dylan sont ses enfants. Et ils transposent tout cela à l'écran. Anna et ses sœurs est largement inspirée de la relation de Mia Farrow avec ses sœurs. On y voit aussi en toile de fond beaucoup d'enfants autour de la table, têtes blondes et chevelures raides et brunes venues d'Asie. La mère est jouée par la propre mère de Mia Farrow, Maureen O'Sullivan. Et bien des scènes sont tournées dans son appartement. Cette Anna, femme parfaite qui encadre tout, peut aimer des flopées d'enfants, un homme, travailler, réunir et écouter ses sœurs, toute la famille et les amis, et cuisiner pour Thanksgiving, chanter avec le père au piano, chanter du Sinatra, bien sûr. On est dans le monde de Mia Farrow. Cette Anna parfaite qu'on aime et qu'on n'aime pas toujours, trop parfaite. Je la trouvais tantôt sympa, tantôt pas, dira-t-il du personnage. De Mia Farrow, il pourra faire un ange ou une garce au cinéma. Il lui fera tout faire. C'est une actrice extraordinaire, déclara-t-il. Elle débarque sur le plateau, elle se plonge dans sa couture, puis elle met sa perruque et ses lunettes noires ou autre chose, elle hurle son texte, elle vous colle un couteau sous le nez, et ensuite elle retourne à sa couture au milieu de ses petits orphelins. Pourtant, avec le temps, la relation s'use. Ils vivent entre rupture et réconciliation. Quand soudain, Mia Farrow tombe enceinte. En décembre 87, naît Satchel. Woody Allen voulait Ingmar comme Bergman, mais la maman n'aimait pas. Satchel, c'est un hommage à un célèbre lanceur de baseball. Au même moment, sort September, un des films les plus sombres d'Allen. Les femmes sont insatisfaites, les hommes moroses et prédateurs. C'est toujours match nul, mais plus pour longtemps. Le petit garçon blond grandit, on le voit parfois sur les photos des magazines, accompagnant son père en tournage. On voit aussi quelques photos de la tribu Allen Farrow en vacances en Europe l'été. 15 jours, pas plus. Woody Allen monte son prochain film. Mia Farrow s'en va au Vietnam chercher une petite aveugle de 10 ans. Contre l'avis de Woody Allen qui dit qu'il y a assez d'enfants comme ça. La famille se dilate au gré des adoptions, tandis que dans les films, le couple que forment Woody Allen et Mia Farrow bute souvent sur le désir d'enfant. C'est lui qui ne veut pas ou ne peut pas. Les enfants ne prennent pas beaucoup de place sur l'écran. Ils sont là, en toile de fond, simple élément du décor. Le seul enfant de ces films, c'est lui. Une fois pourtant, il parla de la paternité. Il se souvint d'une lettre qu'il avait reçue et jetée, après le succès de Manhattan. Lorsque j'ai réalisé Manhattan et lorsque je m'interrogeais sur les raisons pour lesquelles la vie méritait d'être vécue, j'ai énuméré un certain nombre de choses qui me faisaient plaisir. Du jazz, de la musique classique, des acteurs, etc. Voilà votre déclaration. La voici. Why is life worth living? It's a very good question. Well, there are certain things I guess that make it worthwhile. Like what? Okay. For me, I would say what Groucho Marx, to name one thing, and Willie Mays, and the second movement of the Jupiter Symphony, and Louis Armstrong, recording of Potato Head Blues, Swedish movies, naturally, Sentimental Education by Flaubert, Marlon Brando, Frank Sinatra, those incredible Apples and Pears by Cezanne, The Crabs at Sam Woe's, Tracy's Face, Voilà. Alors qui retrancheriez-vous? Sam Lowe's has since been closed down by the Board of Health. Sam Lowe's a été fermé depuis lors, malheureusement. Mais vous ajouteriez peut-être d'autres choses aujourd'hui? It's interesting when I did that movie, I got a letter from a lady. J'ai fait ce film, j'ai reçu une lettre d'une dame anonyme qui m'écrivait donc. J'avais un enfant dans ce film puisque j'avais été marié dans ce film à Meryl Streep. Donc vous aviez un enfant, vous n'avez pas cité l'enfant dans cette énumération. Et Manhattan avait beaucoup de succès. Donc j'ai jeté cette lettre. J'ai lu la lettre et je l'ai jetée. Je me suis dit, c'est encore une folle qui m'écrit. Ses états d'âme et ses critiques. Et beaucoup d'années après, j'ai eu effectivement un enfant. Et pour moi, c'était clair, c'était lumineux que de très, très loin, la première priorité dans la vie, c'est votre enfant. Et j'ai compris à quel point j'étais égocentrique, superficiel, à quel point cette liste était triviale. Parce que dans ce film, effectivement, mon personnage avait un enfant et je ne l'ai pas cité. Mais lorsque dans la vie, j'ai eu un enfant, j'ai vu ce que ça représentait. Et ça a été un séisme de voir à quel point l'enfant est important dans la vie. Donc si je refaisais ce film aujourd'hui, eh bien je changerais ce dialogue. Mais pour les autres points énumérés, ils sont très bien. Sauf le restaurant chinois, malheureusement le restaurant chinois il n'existe plus. Il a dit dans tous ses films que les couples ne sont pas faits pour durer. Il l'a dit de mille façons à tous les temps, toutes les époques et constamment. Le sexe apaise la tension tandis que l'amour le crée. C'est dans Comédie érotique d'une nuit d'été. Ça n'a rien à voir avec la façon dont on agit, c'est juste que les gens sont comme ça, l'amour s'évanouit. Ça, c'était dans Annie Hall. Parfois, les personnages s'accrochent, comme Jack, joué par Sidney Pollack dans Marie et femme. Il quitte sa femme puis revient. On ne peut pas balayer les années d'intimité. On croit pouvoir, mais les racines sont là. Le truc, c'est de savoir quelles sont vos priorités, c'est la seule question, dit-il. Et pourtant, mari et femme contient un degré de violence entre les êtres qui n'est pas courant chez Woody Allen. Sur le tournage, même les comédiens furent surpris par l'agressivité du langage. Mia Farrow disait « fucking bullshit ». Certains techniciens habitués à travailler avec Woody Allen, qui aiment reprendre les mêmes équipes, étaient surpris par la violence des mots et des gestes réclamés par le réalisateur. Le film est joué comme un documentaire. La caméra tremble, comme Allen probablement. Il tournait une histoire où les maris faibles se détachaient des femmes et revenaient en rampant. Les épouses se servaient du sexe et des enfants pour dompter les hommes. Et les jeunes femmes manipulaient les hommes mûrs. Il y est question de femmes kamikazes, de femmes passives-agressives. L'orage planait sur ce tournage. Pas celui prévu par la fin du scénario. Un autre, bien plus terrible. You think we'd ever break up? Tu penses qu'un jour on pourrait se séparer, toi et moi? What kind of question is that? You know, no, I'm not planning it, are you? No. Okay. Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Mais non, c'est pas dans mes projets. Et toi? Non. But I don't know how I'm gonna feel if you continue to not want to make me pregnant. Mais je ne sais pas comment je réagirais si tu continues à ne pas vouloir me mettre enceinte. Hey, are we gonna have to go through that conversation again? You know, you have a daughter. What? Yeah. So she's a wonderful girl. I want another. Why? What is so important? Why? It's cruel to bring life into this terrible world. Il faut vraiment qu'on reprenne cette conversation. Tu as déjà une fille. Qu'est-ce que tu pourrais vouloir de plus? C'est une fille formidable. J'en veux une autre. Pourquoi? Qu'est-ce que ça de si important? Tu sais, c'est cruel de donner la vie dans ce monde terrible. Ça, tu le sais. Non, allez, cesse de justifier ton refus au nom de la philosophie. Tu veux bien? Qu'est-ce que tu... Non, tu sais, si tu voyais le regard furieux que tu as en disant ça... Ok, but I, you know... I, tu veux qu'on fasse l'amour? You know, get into it in some way. I can't just do it on command. We can get into it. Car soudain, elle est allée beaucoup plus loin que le film, la vie. Elle s'est emballée, déstructurée, elle a explosé en vol. Mia Farrow a découvert des photos explicites. Woody Allen avait une liaison avec Sunny, fille adoptive de l'actrice. Elle était majeure, elle n'était administrativement pas la fille de Woody Allen, mais elle avait grandi sous ses yeux. Ensuite, c'est flou. Mais Sinatra apparaît, pas en chanson, le vrai Sinatra. Mia Farrow l'a appelé au secours quand tout son monde s'est effondré. L'histoire se raconte encore aujourd'hui. On entend parler de Woody Allen chez Patsy, ancienne cantine du Crooner sur la 56e avenue. Et ça ressemble à un film de gangster. Ce qui ne détonne pas avec la vie de Sinatra, mais avec celle de Woody Allen plutôt. Sinatra dit à Mia Farrow de ne pas s'inquiéter, que quelqu'un va l'appeler. Le téléphone sonne, effectivement. Un homme lui dit qu'il l'attendra le lendemain à 11h du matin, au croisement de Columbus et de la 72e rue, dans une Sedan grise. Le lendemain, elle monte à l'arrière de la voiture. Sans se retourner, l'homme à l'avant lui demande ce qui ne va pas. Elle lui dit qu'elle a très peur, que Woody Allen est un homme puissant, qu'elle craint qu'il ne détruise sa carrière, qu'il s'en prenne à sa vie, qu'il a tout un étage d'agents de relations publiques qui travaillent pour lui, que son chauffeur est membre des Teamsters, plus gros syndicat américain, celui des chauffeurs routiers historiquement liés à la mafia, et que le beau-frère de ce chauffeur est un criminel repenti. L'homme la calme aussitôt d'une réplique digne d'un Scorsese. Nous contrôlons le syndicat. Cet étrange épisode, longtemps murmuré à New York, a finalement été écrit dans un long portrait de l'actrice publié par Vanity Fair, Mamma Mia, paru en novembre 2013. C'est Mia Farrow qui la raconte, cette histoire. Elle ajoute dans ses mémoires que Sinatra lui a proposé de faire briser les jambes de Woody Allen. Cette fois, le cinéma a contaminé la réalité. Sinatra est tout prêt, en chef de gang, et Woody Allen ressemble au gros dur qu'il rêvait d'être gamin. Ça pourrait être drôle. D'autant que tout ça se passe en plein tournage de Mari et Femme. Il reste quelques scènes à tourner, notamment celle où Mia Farrow, Judy, doit dire à Gabe, Woody Allen, qu'elle ne l'aime plus. Quelle est étrange cette scène. Ils sont l'un et l'autre sur le canapé. Il veut poser sa tête sur elle. Il lui rappelle leurs plus beaux souvenirs, une belle nuit dans Central Park, une belle robe noire qu'elle portait. Et puis c'est elle qui dit, c'est fini, nous le savons, ces souvenirs ne sont que des souvenirs. We both couldn't sleep one night. Remember when we found the movie of Wild Strawberries on the cable station and we stayed up all night watching it? Remember that? That was such a great, for some reason, a great moment for me. When we were going to the faculty dinner, and I'll never forget this, around Fifth Avenue, when it was just an icy black night, we were walking downtown. Remember that? And then suddenly we decided not to go to the dinner. We just said the hell with it. And it was just such a beautiful night. We walked into Central Park. It was so snowy that night and everything. You could see every star. It was so beautiful in that black dress, really. Don't do that. Why not? Because it's over. We both know it. Do we? Yeah, you know, all that stuff that... Those memories, they're just memories. They're from years gone by. They're just isolated moments, you know. They don't tell the whole story. Elle prononce ces mots alors que tout se déchire entre eux, mais aussi entre lui et les enfants, de manière définitive. La caméra la cadre serrée. Encore une fois, Woody Allen aura réussi sa démonstration. Le cinéma est plus beau que la vie. La vie n'imite pas l'art. Elle imite la mauvaise télévision, dit une étudiante dans ce film. Une haineuse bataille juridique se prépare, et la rumeur enfle sans sortir. Mais la mécanique des films semble ignorer la vie. Allen a déjà écrit le film suivant, car toujours chez lui, tandis qu'un tournage se termine, un autre entre en préparation. Il ne peut pas s'arrêter. Mia Farrow fait déjà quelques essayages pour ce qui va s'appeler « Meurtre mystérieux à Manhattan ». Pendant ce temps-là, les avocats négocient. Le marché serait le suivant. Mia Farrow continuerait à travailler sur ses films et il aurait le droit de voir les enfants. Sa relation avec Sony serait gardée secrète. Mais alors que le compromis est sur le point d'être signé, et alors qu'il vient chez elle signer cet accord, Mia Farrow l'accuse d'avoir eu des attouchements sexuels sur leur fille, Dylan, qui a 7 ans. Allen est interdit d'approcher les enfants. La petite fille est entendue par les services de maltraitance, lesquels expliquent alors que la parole de l'enfant est peut-être sous l'influence de sa mère. La liaison avec Sony sort dans le New York Post. Woody amoureux de la fille de Mia. Woody Allen convoque une conférence de presse au mois d'août 1992 depuis le Plaza Hotel, retransmise à la télévision. Tout au long de ces années, vous savez tous combien j'ai toujours été réticent à m'adresser à la presse et que je me suis fait fort d'éviter toute publicité. Mais compte tenu de toutes ces rumeurs et des odieux mensonges qui circulent depuis une semaine, je ressens aujourd'hui le besoin de faire cette déclaration. D'abord, je suis profondément attristé que des sources proches de Mia Farrow aient rendu publiques des allégations dont elle a été elle-même l'instigatrice et qui m'accusent d'abus sexuels sur mineurs. Il s'agit, m'ont affirmé mes avocats, d'une pratique assez courante au cours des batailles juridiques menées pour obtenir la garde des enfants. Et bien que souvent efficace, cette tragique méthode qui consiste à amener son enfant à coopérer est évidemment inqualifiable. La vérité est que j'essaie depuis maintenant 8 mois de mettre au point un bon compromis de garde partagée, respectant les droits du père et de la mère. J'espérais que malgré les conflits et la colère, je parviendrais avec calme et quelques concessions à trouver un accord dans le meilleur intérêt des enfants. Puis, de façon soudaine et effroyable, je me suis vu accusé d'avoir molesté mon adorable fille de 7 ans. Et le lendemain, avec la plus grande hystérie, mon fils chéri de 4 ans et demi. Si cette dernière allégation semble aujourd'hui volontairement abandonnée, c'est que ses fondements en étaient probablement trop insensés aux yeux de leurs instigateurs eux-mêmes pour la maintenir. Ces fausses et monstrueuses allégations m'ont rendu malade, au point que pour le bien de mes 3 enfants, j'ai estimé devoir tenter de les éloigner d'une atmosphère tellement délétère qui risquait de leur laisser des traces irréparables. Il s'agit en fait ni plus ni moins d'une tentative de manipulation déraisonnable et extrêmement néfaste sur des enfants à des fins intéressées et rancunières. Pire encore, si toutefois c'est possible, les avocats de la partie adverse ont contacté les miens pour les prévenir que toute communication médiatique de ma part m'était interdite, même si les allégations s'avéraient sans fondement. Ils ont ensuite réclamé la somme de 7 millions de dollars, ajoutant que si j'acceptais ces conditions, les allégations seraient alors abandonnées et qu'ils feraient en sorte que les enfants ne témoignent pas auprès des autorités. Il va sans dire que j'ai rejeté cette offre de médiation, ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes nommée, et que j'ai demandé à mes avocats de collaborer pleinement à l'enquête lancée sur Mia Farrow. J'aurais beaucoup à dire sur le sujet, mais ne souhaite pas remettre en cause en public ses compétences en tant que mère, dans l'intérêt évident de mes enfants. La seule chose dont je me reconnais coupable aujourd'hui est d'être tombé amoureux de la fille majeure de Mia Farrow à la fin de notre relation. Aussi douloureux que ce puisse être pour elle, je ne crois pas que ni moi ni mes enfants ne méritons pour autant un pareil châtiment. Je vous remercie pour votre attention. Ça fait des années que je n'ai pas fait un discours sans une seule blague. Ensuite, c'est la loi des clans qui tiennent ou se défont, des rumeurs et des contre-rumeurs, des procédures qui n'effacent rien mais ne concluent pas la poursuite de Woody Allen, des histoires de gros sous aussi. John Baxter, le biographe pas toujours tendre pour son sujet, penche cette fois en sa faveur. As to the scandal surrounding, en ce qui concerne le scandale qu'il y a eu autour de leur relation, Woody Allen a probablement été plus victime que coupable. On ne peut pas dire qu'il se soit comporté avec les motifs les plus louables, ni avec un grand sens moral. Mais je ne crois pas que la plupart des accusations portées contre lui soient fondées. Qu'il s'agisse de Sunyi ou de Dylan, je pense qu'elles ont été montées de toutes pièces par Mia, qui peut s'avérer excellente dans certains rôles. En l'occurrence, dans celui de la mère éplorée, je pense que sa prestation aurait mérité un Oscar. Mia Farrow appelle d'ailleurs quelques jours plus tard pour discuter de son essayage de costume pour le prochain tournage de Meurtre mystérieux à Manhattan. On lui répond que le rôle sera repris par Diane Keaton. Tiens, une belle histoire pour Noël. À vous de juger si cette histoire est morale ou si elle ne l'est pas. On a appris aujourd'hui que Woody Allen avait épousé la fille adoptive de son ex-femme Mia Farrow, la jeune Sunyi Previn. Il l'a épousée à Venise, en Italie. Et on apprend à l'instant qu'ils vont passer leur lune de miel ce soir à Paris. Ainsi s'est terminée l'histoire. Woody Allen, en plein scandale sexuel, c'est une légende new-yorkaise qui s'est fissurée. Ce n'est pas tant ce couple chic et faussement cool croisé tant de fois avec sa multitude d'enfants dans Central Park, c'est lui, personnage célèbre et familier. et c'est vain de ne regarder que ses films sans se pencher sur les autres troubles de sa vie. Tout est imbriqué. Désormais, il n'apparaît plus systématiquement dans ses films. Il niche ses préoccupations, ses obsessions dans ses personnages, femmes ou hommes. Quand on lui demande pourquoi, il réplique qu'il est trop vieux. Le jeu de miroir est terminé, comme l'observe le critique du New Yorker, Richard Brody. Je crois que la grande rupture dans la carrière de Woody Allen s'est effectuée à cause du scandale public après la révélation de sa liaison avec Sunny. C'est-à-dire que avant, c'était d'un côté un monsieur très célèbre, mais de l'autre côté, c'était monsieur tout le monde. On pouvait voir Woody Allen se balader dans la rue. Il assistait au match de basketball. Moi, je l'ai vu en public plusieurs fois. Il pouvait marcher tranquillement dans la rue. Les gens le saluaient, mais personne ne le dérangeait. On l'estimait beaucoup. On le respectait beaucoup. Et puis, avec cette histoire, il ne pouvait plus sortir dans la rue. Et on voit ça très bien dans le film de Barbara Cockle, dans Wild Man Blues. Pour moi, l'image de leur rapport est très, très, très, c'est une belle image. C'est-à-dire qu'on voit que Sunny le protège beaucoup, que si Woody Allen avait besoin d'être protégé, c'est elle qui le fait. C'est elle qui prend en charge sa vie quotidienne. C'est elle qui veille sur son bien-être, son confort et aussi son calme. Mais ce calme vient avec un prix. Et son prix, c'est de ne plus pouvoir sortir dans la rue. Donc, ses sujets de préférence, la vie quotidienne, la vie n'était plus disponible à lui. Il est devenu tout à coup vieux. Pas vieux dans les... Il avait quoi, 55 ans, je crois. Donc, c'était pas un vieil homme. Mais il a vieilli dans le sens où il est rapidement devenu un homme isolé. Et à mon avis, il fallait assez longtemps pour son cinéma de retrouver les thèmes, les styles, les formes aptes à ces nouveaux sujets, à ces nouvelles conditions de tournage même. Mais à mon avis, il les a trouvés. J'aime bien par exemple le film Hollywood Ending, où il joue un réalisateur qui tout à coup devient aveugle. Et là, c'est un très beau métaphore pour la condition d'un réalisateur pour lequel tout change soudainement. Tout change, bien sûr, mais il n'en dit rien. Du drame n'est toujours une comédie. J'ai pensé l'idée d'un metteur en scène qui ne voit pas le film était un sujet très amusant, un sujet très bien pour quelqu'un comme Buster Keaton ou Charlie Chaplin, mais dans les années 20, peut-être, les films, personne ne parle pas. Et maintenant, je vais faire un film comme ça avec le dialogue, mais ça, c'est juste la différence. Mais l'idée est très classique. Et en passant, j'ai fait les plaisanteries au sujet de la Hollywood et les producteurs et les hommes qui pensent ils sont mieux que les artistes. Mais c'était juste en passant. L'idée était seulement pour un metteur en scène qui était aveugle. Après cette histoire de réalisateur aveugle, il tourne Anything Else. C'est la première fois que le chef opérateur Darius Kanji travaille avec lui. Et il se souvient d'un réalisateur pas aveugle, mais pas totalement là. J'ai travaillé avec Woody Allen sur un petit film qui s'appelle Anything. Je dis un petit film parce que c'est un petit film qu'il a fait à New York, qui était un film de stand-up comédien, une histoire de stand-up comédien à New York, où, dans lequel il jouait. Et il était à ce moment-là, c'était un petit peu compliqué dans sa vie à ce moment-là, il avait des problèmes... peut-être des problèmes juridiques, je ne sais pas exactement dans quel problème il était, mais il était un tout petit peu distrait sur à cette période-là, quand on a commencé à travailler ensemble. Et je sentais que c'était des choses qui devaient être un peu pénibles et difficiles. Et du coup, ça m'a rapproché de lui. Je le trouvais très, très émouvant. C'est des trucs comme personne. Le peu que je voyais de lui transparaître en dehors du tournage, je le trouvais très émouvant. Et j'étais très touché par lui, par sa personnalité. Mais la machine à laine n'a pas changé de rythme. Quand le film sort, il fait sa tournée médiatique habituelle, accroché à ses thèmes, ses obsessions, et la tête probablement déjà dans un autre film. J'aurais aimé jouer le rôle qu'interprète Jason, mais je suis trop vieux. Aussi, j'ai dû jouer l'autre rôle, mais le rôle naturel pour moi, c'était bien celui-là. Ce personnage me ressemble beaucoup plus. J'ai pensé que cela ferait une bonne histoire de montrer un homme jeune qui est piégé par l'existence, dans tous les types de relations qu'il peut avoir, professionnelles, amoureuses, celles avec son psychanalyste aussi. Et voilà qu'un vieil homme lui donne tout un tas de conseils pour qu'il se libère de tout cela. Mais il se trouve que le vieil homme est encore plus cinglé que le jeune. Et je me suis dit que ce serait drôle. Il lui faudra partir pour retrouver son inspiration. Non pas déménager, mais tourner ailleurs qu'à New York, en Europe. C'est avec Matchpoint, tourné à Londres, qu'il revient en forme en 2005. C'est le début d'une série de films tournés en Angleterre, en Espagne, en Italie et en France, comme s'il avait fallu changer de décor, quitter New York et donc un peu lui-même pour renouer avec le cinéma. Mais il me semble que le film avec lequel il a vraiment repris sa vigueur, c'est Matchpoint. C'est-à-dire qu'en changeant de lieu, en changeant de style, en changeant de genre de cinéma, il a relancé sa carrière. Pas seulement sa carrière, mais aussi sa... Je cherche un mot. His artistic calling. Son inspiration. Exactement, il a retrouvé l'inspiration avec ce film. En allant vers l'Europe. En allant vers l'Europe et en se découpant de lui-même. Mais le passé, vrai ou faux, le poursuit. Long portrait de Mia Farrow dans le Vanity Fair de novembre 2013. Il y est question de Satchel, le fils qu'elle a eu avec Woody Allen. On l'appelle désormais Ronan Farrow. Il a 26 ans. Il est devenu avocat des droits de l'homme. Porte le nom de sa mère et même plus le prénom que lui a choisi son père. Je demande franchement à Mia Farrow si Ronan est le fils de Sinatra, écrit la journaliste. C'est possible, répond l'actrice. Avouant du même coup n'avoir jamais cessé d'être la maîtresse du chanteur dont elle avait divorcé. Nous sommes tous les enfants de Sinatra, tweet alors Ronan Farrow. Bienvenue dans la famille, lui souhaitent publiquement Nancy et Frank Sinatra Jr., manifestement pas étonnés du tout. Voilà que Sinatra lui prend son fils, et qu'en plus ce fils ressemble étrangement au chanteur, mâchoire carrée, yeux bleus, rien de Woody Allen, le miroir encore, cruel. Au soir des Golden Globes de janvier 2014, alors que Diane Keaton vient chercher la récompense qui honore Woody Allen pour l'ensemble de sa carrière, le fils, qui semble ne plus l'être, tweet pendant la retransmission de la cérémonie et demande si l'on a évoqué l'agression sexuelle de sa petite sœur avant ou après les extraits d'Annie Hall. C'est un honneur pour moi d'accepter le Cecil B. 2000 Award pour mon ami Woody Allen. On n'imagine pas vraiment les gens du show business amicaux entre eux. Mais on fait des films, on se retrouve dans des situations très intimes avec des gens remarquables. Et pour moi, l'une de ces rencontres a donné naissance à une extraordinaire amitié de 45 ans. Vous vous rendez compte? Je suis très émue de savoir que je connais Woody depuis si longtemps. Mais je suis également très fière. Je ressens beaucoup d'affection et je dirais même d'amour. Make new friends, but keep the old. One is silver and the other's gold. A circle is round, It has no end. Un mois plus tard, dans une lettre ouverte publiée par le New York Times, Dylan, la petite sœur devenue une jeune femme, réitère ses accusations de gestes déplacés à son encontre quand elle avait 7 ans. Woody Allen répond, encore une fois. Il nie tout en bloc. Woody Allen prend la parole et répond aux accusations d'agression sexuelle portées contre lui par Dylan, sa fille adoptive. Woody Allen s'en prend également au passage à son ex-épouse, Mia Farrow. Le cinéaste a choisi les colonnes du New York Times pour répondre et l'interview paraîtra demain matin, Frédéric Carbone. Je sais que c'est ma parole contre la sienne. Ainsi se terminait la semaine dernière la lettre de Dylan Farrow dans le New York Times. Le cinéaste répond donc dans le même journal et il accuse plus qu'il ne se défend. En quelques mots, évidemment, il dément. Bien sûr, je n'ai pas abusé de Dylan. Des psychiatres à l'époque l'avaient d'ailleurs affirmé. Jamais personne d'autre ne m'a reproché de tels actes. Mais l'essentiel de son propos est dirigé vers son ex-femme, Mia Farrow. Il suggère qu'elle est à l'origine de cette lettre, comme des premières accusations. Tant qu'on était ensemble, écrit-il, elle n'avait rien à me reprocher. Tout y passe en fait comme devant un juge des affaires familiales. Les mensonges à répétition, l'aventure avec Frank Sinatra, la manipulation des enfants. On n'est plus dans un film de Woody Allen, on est dans une télé-réalité qui n'en finit pas. C'est le Golden Globe d'honneur décerné au cinéaste qui a relancé cette affaire 20 ans après. « Mon tourment a été aggravé par Hollywood », écrivait Dylan Farrow. « Tout le monde ou presque a fermé les yeux. Je ne m'exprimerai plus sur ce sujet. Trop de gens ont souffert », conclut pour sa part Woody Allen. Washington, Frédéric Carbone, France Inter. Dans les films de Woody Allen, ça n'existe pas, ces histoires-là. Dans « Mari et femme », un énorme orage éclate à la fin. Puis la pluie se met à tomber. Mais elle lave tout, les couples fatigués, les baisers sans lendemain, et puis le temps se remet au beau. Dans la vie, toutes les procédures sont éteintes. Woody Allen n'a été reconnu coupable de rien. Mais cette histoire traîne. Elle a laissé ses fans groggy, la presse aussi, qui l'a beaucoup soutenu. Dans le New Yorker, qui a publié tant de textes et d'histoires de Woody Allen, Adam Gopnik écrivit « Il a fait ses meilleures comédies en reconnaissant que la révolution sexuelle avait creusé un vaste fossé entre la croyance abstraite et la vraie vie, entre ce que les années 50 vous avaient appris à dire et ce que les années 60 et 70 vous avaient permis de faire. Mais quand un nouvel abysse s'ouvrit pendant la dernière décennie, celui où le sexe était séparé du royaume de la comédie pour se faire récupérer presque exclusivement par celui de la confession, il ne sut pas le sonder, ou peut-être ne le vit-il même pas. Quand ce fossé s'élargit, il tomba en plein dedans. » Woody Allen vit avec Sonny dans son penthouse. Ils ont adopté 2 filles, aujourd'hui adolescentes. Je pense que Sonny est la compagne idéale pour l'homme vieillissant qu'il est, qui a besoin qu'on s'occupe de lui, qu'on l'aide et qu'on le soutienne. Il est très exigeant dans de nombreux aspects de la vie quotidienne. Et donc cela lui convient parfaitement d'avoir auprès de lui une jeune femme attentionnée telle que Sunny pour répondre au moindre de ses désirs. En revanche, je ne pense pas du tout qu'elle soit le genre de femme qu'il aurait choisi 30 ans auparavant. C'est vrai qu'il a toujours eu un penchant pour les femmes plus jeunes que lui et qu'il a eu des liaisons avec bon nombre d'entre elles. Mais Sunny est aujourd'hui pour lui avant tout une sorte de bâton de vieillesse. C'était la grande traversée Woody Allen Stories, avec Letty Aronson, Jean Douché, Darius Kanji, Richard Brody, Jean-Pierre Mocky, Bernard Murat, Lisa Deutscher, John Baxter et Maurice Zonenberg. Traduction, Pierre Namia, assisté de Gary Kilmer. Avec les voix de Dominique Gould, Clara Chabalier, Hélène Oliévin, Patrice Bornand et Laurent Lederer. Prise de son, Benjamin Thuo, Jean-Michel Coqui, Philippe Bredin. Mixage, Benjamin Thuo. Documentation INA, Sophie Gillery. Archives, Woody Allen, interviewé par France Roche, Eva Bétan, Bernard Pivot et Kathleen Evin. Une émission de Judith Pérignon, réalisée par Gaëlle Gillon.